الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فنواصل الدراسة في هذا الفن العظيم الماتع ألا وهو السيرة سيرة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. Nous allons poursuivre l'étude de cette noble matière qui est des plus plaisantes et des plus utiles et profitables pour le serviteur, à savoir l'étude de la biographie et des étapes de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lors du dernier cours, nous avons parlé des différentes lettres qui ont été envoyées, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux différents rois et gouverneurs, Et nous avons déjà mentionné ce qu'il a envoyé à An-Najashi, puis ce qu'il a envoyé à Kisra, à Qaisar, Naam. Et nous sommes arrêtés sur ce qu'il a envoyé à Al-Muqawqis, Malik al-Iskandariya. Et on a vu que la plupart, nous avions cité que la plupart de ces gouverneurs avaient respecté l'écrit ou les lettres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exception faite de Kisra, qui lui a déchiré, mazaqa kitab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions également mentionné que le prophète alayhi salat wa sallam avait pris une bague en argent afin de mettre sa signature sur ses écrits. En haut de la bague, il y avait écrit Allah, au milieu Rasoul et en bas Muhammad, c'est-à-dire Muhammad Rasoul Allah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Après son décès, Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu qui a récupéré cette bague, puis après son décès, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, après son assassinat, Uthman radiallahu anhu, qui lui l'a fit tomber et l'a perdu. Radiallahu anhum. Parmi les lettres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dictées et a envoyées, il y a celle envoyée à Al-Munzir ibn Sawa. Et ce dernier a accepté l'écrit du prophète alayhi salat wa salam, et en plus de le respecter, il s'est converti à l'islam. Ceci a été cité, et dans la chaîne de transmission, les savants y ont cité des fautes comme al-inqita', c'est-à-dire qu'il y a une interruption dans la chaîne de transmission. Ils ont également cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre au roi de Oman qui s'appelle Jaifar, qui est le fils de Julanda. Ces deux, il y avait Jaifar et un autre avec lui, donc son frère. Ces deux-là ont accepté l'écrit du prophète alayhi salat wa sallam. Ils se sont convertis à l'islam. Et celui qui leur a apporté cet écrit, il fut dit que c'est Amr ibn al-As, après sa conversion, comme on le verra, Inch'Allahu ta'ala. Donc, on tire pour conclusion de ce passage que la plupart des gouverneurs et de ceux qui ont reçu les écrits du prophète alayhi salatu wassalam ont respecté le prophète alayhi salatu wassalam et ont respecté son écrit. Et on a cité l'exception qui était Kisra. Naam, il y en a un deuxième, c'est Malik Boussra, qui lui n'a pas respecté, en plus de ne pas respecter la da'wa, l'écrit du prophète alayhi salatu wassalam, qatala rasulay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a un qui est le père d'eux. Naam wallahu a'lam. C'est celui, c'est le seul, yani, selon mes faibles connaissances, qui a assassiné les messagers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé deux personnes à Malik, yani arsala rajulayn ila maliki busra. Mada fa'al? Qatalahuma. Wa kanat ar-rusul la tuqtal. Naam, les ambassadeurs, on ne les tuait pas, c'était une règle connue. Naam, c'était une règle connue. Mais le roi de Boussra, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque les deux ambassadeurs du prophète alayhi salatu wassalam lui sont venus avec l'écrit, ils l'ont invité à la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, il les a assassinés. Wal'iyadu billah. Et cela a donné suite à une des plus grandes expéditions militaires. Naam. Et ce fut la plus grande avant Fath Mecca. Naam. À la bataille de Badr, ils étaient combien par exemple? 300 wa kam bid'ata 10. Ils étaient environ 315. Naam. Ghazwat Uhud, ils n'étaient pas très nombreux. Mais à Ghazwat Mu'ta, suite à l'assassinat de ces deux messagers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 3000 hommes. Jamais il n'avait envoyé autant de personnes. Wa ammara alaykum umara. Et aussi il a mis à leur tête plusieurs hommes. Zayd ibn al-Haritha. Puis il a dit, si Zayd décède, alors qui? Ja'far. Naam. Ibn Abi Talib. Si Ja'far décède, alors qui? Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhum. C'est la seule expédition où il a mis trois personnes. C'est pour ça qu'on l'appelle Sariyatu ou bien Ghazwatu al-Umara. Naam. Comme on l'étudiera inshallah ta'ala la semaine prochaine. En dehors d'eux, la plupart ont respecté les écrits du prophète alayhi salatu wassalam et beaucoup ont accepté même la da'wa du prophète sallallahu alayhi wassalam. Un dernier point qu'on va mentionner sous ce chapitre, les écrits et les lettres envoyées par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Musaylimatul Kadhab, sahibul Yamama. Naam. Celui qui était à la tête de Al-Yamama s'appelle Musaylima. Et on ne le mentionne pas, si ce n'est en mettant à côté de lui Al-Kadhib, le mensonge. On l'appelle Musaylimatul Kadhab. Le Kadhab, c'est le grand menteur. C'est le grand menteur. C'est celui qui a osé prétendre recevoir la révélation d'Allah Azza wa Jal du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a osé proférer ce mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le pire mensonge, comme Allah Azza wa Jal nous le mentionne dans le Coran. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé une lettre. Il lui a envoyé une lettre. Qu'a fait Musaylima? Musaylima radda ala nabi sallallahu alayhi wa sallam kadhalika bi risala. كذلك برسالة نصها كما ذكر من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. Quelle est sa lettre? De la part de Musaylima, le messager d'Allah, à Muhammad, le messager d'Allah. Qu'est-ce qu'il prétend ici? Il prétend être un prophète et un messager. Hadha al-kadhab. Salamun alayk. فإني أشركت معك في الأمر. Il dit, il lui passe le salam, puis il dit, j'ai été associé à toi dans cette affaire. Quelle est cette affaire? Al-Nubuwa, Al-Risala, Al-Wahi. وإن لنا نصف الأرض. Et à nous, la moitié de la terre. Wali Quraysh, نصف الأرض. Et à Quraysh, l'autre moitié. ولكن قريش قوم يعتدون. Mais Quraysh sont des gens qui transgressent. À qui il s'adresse en ces termes? Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. وسنة الله في خلقه أن الكذاب يذل. نعم. Et Allah Azza wa Jal nous a fait voir dans son décret que le menteur, s'il ne se repent pas, sa finalité est l'humiliation totale, l'avilissement total. Regardez Moussa Ilima. On ne le prononce pas si ce n'est en disant à côté de lui Al-Kadhab, le menteur, le grand menteur. Iyadan billah. Le détail ne nous est pas venu de manière authentique. Ibn Hisham rahimahullah ta'ala dhakaraha mathalan mu'allaqan. Na'am. Donc il n'y a pas de chaîne de transmission qui nous est parvenue de manière authentique, si ce n'est que les écrits entre le prophète alayhi salat wa salam et Moussa Ilima, na'am, ont bien été authentiques. Quant au détail de l'écrit, c'est sur cela que nous n'avons pas eu connaissance, et ça a été affirmé comme dans le Mousnad de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, comme dans le recueil de Abu Daoud rahimahullah ta'ala, et l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala a affirmé pareillement cela. Il y a le hadith de Nu'aym ibn Mas'ud. Il y a le hadith de Nu'aym ibn Mas'ud radiyallahu an. Il dit que Moussa Ilima a envoyé ses messagers, ses émissaires, ses ambassadeurs voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit ma taqulani antuma. Yani après avoir reçu l'écrit, après qu'on ait lu l'écrit au prophète alayhi salatu wassalam, il leur a dit, et vous deux, que dites-vous? Quelle est votre aqida? Quelle est votre position sur Moussa Ilima? Et ils ont répondu, Naqul kama qal. Nous disons ce qu'il dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wallah amma wallah, je jure par Allah, Lawla anna rusul la tuqtalla la qataltukuma. Na'am. Dans le cas où les ambassadeurs, si les ambassadeurs n'avaient pas l'immunité, na'am, alors vous deux, vous auriez été madha, assassinés suite à leurs paroles. Et ça, c'est la preuve que les ambassadeurs n'étaient pas, on ne touchait pas aux ambassadeurs. Quant au texte du prophète alayhi salatu wassalam, il fut dit qu'il lui a écrit en ces termes. Bismillahir Rahmanir Rahim min Muhammadir Rasulillah ila Moussa Ilima al-Kadhdhab. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de la part de Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à Moussa Ilima, le grand menteur. Assalamu ala man ittaba'a al-huda. Que la paix soit sur celui qui suit ou qui a suivi la guidée. Amma ba'd. Inna al-ardha lillah yurithuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Puis il lui a mentionné le verset de sourate Al-A'raf. Certes, la terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la bonne fin sera aux pieux. Ibn Ishaq a mentionné donc cet écrit, mais les savants ont parlé des défauts de cette chaîne de transmission. Parmi les choses qui sont authentiques, Le hadith de Abdullah ibn Abbas, qui est dans Sahihain al-Bukhari wa Muslim, que Musaylima est venu à l'époque du prophète alayhi salat wa salam, et il a dit, ja'ala li Muhammadun al-amr min ba'di taba'tu. Il a dit, si Muhammad me met en yani met cet ordre dans ma main après son décès, alors je le suivrai. C'est-à-dire que là on reconnaît que c'est le messager d'Allah, mais après son décès, je veux prendre moi la tête de cette affaire. Et s'il me garantit cela, alors je le suivrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé avec Thabit ibn Qais. Radiallahu anhu. Et il avait une chose dans sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu vois ce que j'ai dans la main? Qu'est-ce qu'a demandé Musaylima? Il a demandé l'ordre tout entier à lui dans sa main après le décès du prophète alayhi salat wa sallam. Le prophète alayhi salat wa sallam est arrivé avec Thabit. Il lui a dit, tu vois ce que j'ai dans la main? Si tu me demandais ça, je ne te le donnerais pas. Naam, si tu me demandais cela, je ne te l'accorderai pas. Puis il lui a dit, walan ta'du amra Allah, et tu n'outrepasseras pas l'ordre d'Allah fik te concernant. Wala in adbart la'qirannak Allah. Puis il lui a mentionné la menace, yani il l'a menacé dans le cas où il se détournerait de l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et à la suite de cela, il l'a informé d'une vision qu'il a vue en rêve. Le prophète alayhi salatu wa salam a vu en rêve une chose. Puis il a cité son explication. L'explication de son rêve était que ça représentait deux menteurs à son époque qui allaient prétendre être des prophètes. Quant au premier, ou bien quant à l'un des deux, c'est Musaylima. Naam, suite à sa prétention, on a su qu'il était concerné. Quant au second, c'est l'Insi qui était à la tête de Sana'a. Musaylima a eu une très mauvaise fin. Et lors d'une bataille, il a été assassiné. Et beaucoup parmi les compagnons sont décédés. Et il fut dit que c'est Wahshi, radiallahu anhu, qui a eu raison de lui, bi'idhnillahi azza wa jal. Et que Al-Qaïd, le chef de cette armée, était Khalid ibn al-Walid. Naam. Khalid ibn Walid, radiallahu anhu. Et si Allah azza wa jal nous permet de vivre assez longtemps, inshallah ta'ala, on racontera cette histoire, cette grande bataille, où beaucoup de compagnons sont décédés, parmi eux des savants du Coran. Naam. Barakallahu fikum. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans un verset dans lequel Allah azza wa jal nous informe qu'il n'y a pas plus injuste que celui qui profère des mensonges sur Allah et ses signes, il a parlé de Musaylima. En disant, celui qui médite sur l'affaire de Musaylima et celle du prophète alayhi salatu wassalam verra que la différence entre les deux, na'am, elle est comme l'heure du duha, na'am, en plein yani dans la matinée lorsque vraiment il fait jour, et le milieu de la nuit. Na'am. Et le milieu de la nuit. Yani la différence entre les deux, elle est comme ça. Il a cité des paroles. Je vous conseille de revenir au tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Amr ibn al-As. Yani les gens se sont même étonnés. Comment est-ce que Musaylima a pu avoir autant de suiveurs? Parce que lorsque tu écoutes le Coran, puis tu écoutes ses paroles, tu ris de ces paroles, tellement elles sont nulles, tellement elles sont faibles, tellement elles ne sont pas éloquentes. Et un jour, Amr ibn al-As, qui était une de ses connaissances dans, yani, avant sa conversion à l'islam, est parti voir Musaylima. Musaylima lui a dit, « Mada unzila ala sahibikum ?» Qu'est-ce qui a été révélé sur votre compagnon ? Naam, sur celui de chez vous, parce que lui était de Yamama, eux étaient de Quraysh. Eux étaient à Mecca. Il lui a dit une sourate azima, on l'appelle sourate al-Asr. Une sourate azima, on l'appelle sourate al-Asr. Ça, c'est avant que Amr ibn al-As se convertisse à l'islam. Naam, quand est-ce que s'est converti Amr ibn al-As ? Ça vient dans le cours de ce soir, Inch'Allah. C'est un des plus intelligents des Arabes. Il a été classé parmi les têtes des gens intelligents. Al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, a dit l'élite, son nombre de quatre. Et il a cité parmi eux Amr ibn al-As. Naam, c'était l'ambassadeur de Quraysh, puis l'ambassadeur du prophète alayhi salatu wassalam après son islam. À la kulli hal, Musaylima lui a répondu, moi aussi j'ai reçu de la révélation. Il lui a dit, c'est quoi ? Il lui a récité. Amr l'a regardé. Il lui a dit, oh Musaylima, innaka la ta'lam bi anni a'lam annaka la kazzab. C'est son ami. Il lui a dit, oh Musaylima, par Allah, ou bien certes tu sais que je sais que tu es un grand menteur sur ça. Qu'est-ce que tu me racontes ? Allez, on t'a révélé ça. Surtout en comparaison avec le Coran. En comparaison avec le Coran, Kuffar Quraysh n'ont même pas tenté. Allah Azza wa Jal leur a lancé un défi de ramener un Coran semblable. Naam, ils n'ont pas réussi. Alors on a allégé le défi. 10 soirs. Ils n'ont pas réussi. Naam. Alors on leur a demandé une courte sourate. Ils n'ont pas réussi. Naam. Peut-être que j'ai oublié une étape. Et ça, ce fut le défi. Ça, ce fut le défi. Si ça n'est pas la révélation d'Allah, et que vous, vous êtes les éloquents parmi l'élite des Arabes, ramenez un Coran semblable. Ils n'ont pas réussi. Musaylima a tenté. Et il s'est humilié. Il a yom al-qiyam. Il s'est humilié. Adhalla nafsahu. Lamma hawala. Adhalla nafsahu. Hadha al-kadhab. على كل حال هذه عاقبة الظلم والكذب في دين الله سبحانه وتعالى Et Allah سبحانه وتعالى nous dit dans son livre ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ Et qui est plus injuste que celui qui profère des mensonges sur Allah et qui dit « Il m'a été fait la révélation, il m'a été révélé des choses alors qu'on ne lui a rien révélé » ou qui dit « Je vais faire descendre pareil à ce qu'Allah a fait descendre » Traduction prise du... La traduction des sens, c'est quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit « Révélation m'a été faite » quand rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit « Je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. » Naam, dans Surat Al-An'am, le verset 93, lisez la suite et les menaces faites à l'encontre de ces gens. Voici pour ce chapitre. Et dans ça, il y a une leçon. Dans ça, il y a une leçon. Fi hadhihi al-murasalat al-rasail. Naam. Durusun wa ibar. Anna alladhi huwa sari'un fi qabuli al-haq. Allah subhanahu wa ta'ala yukrimuhu wa yu'izzuhu wa yu'li sha'nah wa yuthabbitu mulkah. Amma alladhi yatawalla Allah subhanahu wa ta'ala yudhilluhu. ويخزيه ويجعله عبرة لمن بعده Une grande leçon, c'est que celui qui est prompt à accepter la vérité, lorsqu'elle lui parvient, Allah Azza wa Jal l'honore, il l'élève et il maintient sa royauté. Quant à celui qui fait volte-face, qui combat la vérité, qui rejette la vérité, naam, Allah Azza wa Jal l'humilie, Allah Azza wa Jal le rabaisse s'il ne se corrige pas par la suite. On passe au chapitre suivant. وهي الأحداث التي وقعت بين خيبر وعمرة القضاء. Ce sont les événements qui se sont produits et les saraya, les expéditions militaires qui ont eu lieu entre Khaybar et la Umra de l'entente. La Umra de l'entente, on peut l'appeler comme ça ou bien en cherchant un terme plus adéquat. Umratu al-Qadha, na'am. Et on l'appelle aussi Umratu al-Qadhiyya. Et elle a encore deux autres noms qu'on citera, Inch'Allah ta'ala. Parmi les expéditions, ils disent qu'il y a eu l'expédition de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Mais cette histoire n'a pas été rendue authentique par les savants du hadith. Il y a un historien qui s'appelle Al-Waqidi, rahimahullahu ta'ala. C'est un savant de la matière. Si ce n'est que dans la science du hadith, il est da'if, il est faible. Na'am, il est matrouk. Peut-être qu'on peut traduire par délaissé dans le hadith, on ne prend pas son hadith. Ainsi, tu peux voir une personne qui est vertueuse dans sa relation entre elle et Allah Azza wa Jal, mais on n'accepte pas son récit. Peut-être parce qu'elle a une mauvaise mémorisation. Na'am. Ou peut-être qu'elle a un défaut dans sa religiosité. Peut-être qu'elle a des perversions. Peut-être que c'est un innovateur qui appelle à sa bid'a. Il y a des causes qui font que les savants du hadith n'acceptent pas. Na'am. Car avant d'accepter une information, tu dois, yani, vérifier que la personne est digne de confiance et qu'elle a une bonne mémorisation. Donc, il cite l'expédition de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et ceci est faible. Ensuite, il cite la Sariya de يعني Sariya yadhkuruna aydan Sariya Abi Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il cite également l'expédition de Abu Bakr au Najd que le prophète alayhi salatu wassalam l'envoyait à Bani Fizara. Ceci a eu lieu en l'an 7 après l'Hégire, dans le mois de Sha'ban. En l'an 7 après l'Hégire, dans le mois de Sha'ban. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte, et parmi les compagnons qui étaient présents, Salamat ibn al-Aqwa. Vous vous souvenez de Salamat ibn al-Aqwa, celui qui a couru toute la nuit et qui courait à la vitesse et qui rattrapait les chevaux en courant à pied. Radiallahu anhu. Ils disent qu'ils sont sortis à Fiza'a, yani pour yani Ghazawna Fiza'a. وقد امر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر. Donc lors de cette expédition, c'est Abu Bakr qui était leur responsable. En chemin, avant d'arriver sur place, Abu Bakr les a fait s'arrêter, ils se sont reposés. Puis agharu ala al-qawm, puis ils les ont surpris. Na'am, et ont pu les encercler et remporter ce combat. Un groupe de personnes a tenté de fuir vers la montagne, ou bien ont pensé fuir vers la montagne. Mais Salamat ibn al-Aqwa s'est mis à une position, à un endroit judicieux. Et lorsqu'ils ont pensé faire cela, Salamat ibn al-Aqwa, radiallahu anhu, a tirer des flèches en direct, yani entre eux et la montagne pour les dissuader. Puis il est venu et il les a fait prisonniers. Ensuite, il les amena à Abu Bakr. Lorsque Abu Bakr a vu l'agissement de Salama, il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Et parmi les captifs, Naam, il y avait une femme parmi les femmes les plus charmantes des femmes arabes. Et Abu Bakr radiallahu anh lui a donné. Lorsqu'ils sont arrivés à Medina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus tard a vu Salama avec cette femme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ya Salama, habli al-mar'a, donne-moi la femme. Et Salama lui a dit: Rasulallah, laqad a'jabatni, au message d'Allah, elle m'a beaucoup plu. Na'am, elle m'a beaucoup plu. Wa lam akshif laha bi thawb. Na'am, c'est une kina ya'ani al-mu'ashara. Il a dit, ya'ani, je ne l'ai pas encore enlevé de vêtements. C'est pour dire qu'il n'a pas commercé avec elle. Plus tard, le prophète, alayhi salatu wassalam, rencontre à nouveau Salama. Il lui dit: habli al-mar'a, lillahi abouk. Il lui dit: donne-moi la femme. Naam, lillahi abouk, c'est une expression qu'on annexe le père à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dans cette phrase-là, lorsqu'on dit lillahi abouk, c'est comme pour dire, yani comme pour faire des éloges au père de la personne qui a été la cause de ta venue au monde. Yani, masha'Allah, on fait les éloges de la personne. Et on fait aussi les éloges de son père du fait qu'il a enfanté un enfant comme toi. Est-ce que vous comprenez l'expression? Yani lillahi abouk, tu vois un homme qui est masha'Allah, na'am, qui a beaucoup de qualités, tu lui dis lillahi abouk. Comme pour dire masha'Allah que ton père ait enfanté un homme comme toi. Na'am, ou bien que ta mère ait enfanté une fille comme toi. Wa hakadha. Alors Salama a dit hiya laka ya Rasulallah. Il a dit j'ai rien fait avec elle. Ya Rasulallah, je te la donne. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam voulait cette femme-là? Naam. Pourquoi est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam voulait cette femme-là? Des sahaba avaient été faits prisonniers à Mecca. Naam. Et il a voulu en rançon, naam, récupérer sahaba radiallahu anhum qui avaient été faits prisonniers par l'intermédiaire de cette femme. Naam. Par l'intermédiaire de cette femme, il voulait récupérer les sahaba qui avaient été faits prisonniers à Mecca. Ensuite, il y a la sariya de Bachir ibn Sa'd. La sariya de Bachir ibn Sa'd. Ila nahiyati Fadak. Il fut dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'envoya avec une trentaine d'hommes ila Bani Murra. Et ils ont réussi à prendre leur bétail. Et lorsqu'ils ont voulu partir, le garde a appelé au secours et a informé de la présence de l'ennemi. Alors ils se sont réunis, na'am, les ont encerclés et ils les ont pratiquement tous tués, ils ont pratiquement tué tous les sahabes. Et peu parmi eux ont réussi à partir. Quant à Bachir ibn Sa'd, lui, il a été touché, il était au sol, ils ont pensé qu'il était mort. Et pour s'assurer qu'il était mort, ils lui ont mis un coup au Ka'b. Ils lui ont mis un coup au Ka'b et lui n'a pas bougé. Al-Ka'b, c'est, yani, à hauteur de la cheville, ce sont les malléoles. Na'am al-Ka'b, ce sont les malléoles, les deux boules qu'il y a à droite et à gauche de la cheville. Ils lui ont mis un coup d'épée ou bien un coup à cet endroit-là pour voir s'il était bel et bien décédé et lui n'a pas bougé. Lorsqu'ils sont partis, plus tard il s'est relevé avec beaucoup de difficultés et il est parti chez un juif qui l'a accueilli. Na'am. Il a été soigné là-bas, il a été caché. Lorsqu'il a repris des forces, il est revenu à Al-Madina. Il est revenu à Al-Madina. Mais cette histoire, elle a été mentionnée par Al-Waqidi, rahimahullahu ta'ala, qui est daif dans le hadith. Naam, qui est daif dans le hadith. Donc cette histoire n'est pas madha authentique. Parmi eux, ceux qui avaient réussi à se sauver, il y a un homme qui s'appelle Ulbah ibn Zayd. Ulbah ibn Zayd al-Harithi. On entendra parler de lui par la suite. L'histoire suivante, c'est la Sariya de Ghalib ibn Abdillah. La Sariya de Ghalib ibn Abdillah. Lorsque on est venu dire au prophète alayhi salatu wassalam ce qui est arrivé à ses sahaba, il a dit à Az-Zubayr ibn Awwam de se préparer qu'il allait l'envoyer avec des hommes pour yani pour venger ceux qui ont été assassinés. Mais entre-temps Ghalib ibn Abdillah était revenu d'une expédition. Entre-temps, Ghalib ibn Abdillah était revenu d'une autre expédition. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Zubayr, toi reste ici et toi Ghalib, lève une armée et dirigez-vous en direction de Fadak pour venger les sahaba qui avaient été assassinés. Il l'a donc envoyé avec 200 hommes. Il l'a donc envoyé avec 200 hommes. Proche des habitations de ces gens, Ghalib a réuni ses compagnons. Hamid Allah wa athna alayhi. Il a loué Allah et a fait encore ses éloges. Puis il leur a recommandé la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seul, sans associé. Et il leur a donné des recommandations. Comme le fait de lui obéir afin que sa parole ait du poids. Puis, il a mis les gens par paire. Il lui a dit, Anta fulan takun ma'a. Toi tu seras avec lui, toi tu seras avec lui, toi tu seras avec lui. On va avancer. Et au retour, que je ne questionne personne sur son compagnon et qu'il me réponde, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris? Et allez, tout le monde devra rester en binôme et surtout ne pas revenir sans son compagnon. Par la suite, il leur a dit « Wa in kabbartu fakabbiru ». Naam, si je prononce le takbir, faites de même. « Farazawhum ». Naam, ils sont donc descendus sur leur position et ils ont remporté le combat et sont repartis avec le bétail. Cette histoire, pareillement, a été rapportée par Al-Waqidi, donc elle comporte yani des faiblesses. Néanmoins, il y a une partie de l'histoire qui a été authentifiée avec des chaînes de transmission authentiques, même dans Bukhari et Muslim. Quelle est cette histoire? C'est une grande histoire, une grande qissa. C'est la qissa de Usama ibn Zayd. La qissa de Usama, le fils de Zayd, Hibbu Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ibn Hibbi, le bien-aimé du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, fils de son bien-aimé. Si ce n'est que les savants ont divergé dans quelle expédition cette histoire a eu lieu. Et beaucoup de savants ont dit qu'elle a eu lieu dans cette expédition-là. Quelle est cette histoire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des sahaba dans une expédition. Et yani, à cet endroit-là ont été touchés les compagnons de Bashir radiallahu il dit fasabbahna al-qawm, nous les avons pris de bon matin, fahazamnahum, et nous les avons battus. Falaqitu ana wa rajulun min al-ansar rajulan. Usama raconte et il dit, moi et un homme parmi les ansar, nous sommes mis sur un homme yani pendant le combat. Il fut dit que son nom est Mirdas ibn Nahik. Mirdas ibn Nahik. Et d'autres ont dit, non, son nom est Nahik ibn Mirdas. Quoi qu'il en soit, Dans la version de l'imam Ahmed, on nous dit cet homme-là était un homme yani, qui a fait subir un lourd tribut aux musulmans. Yani, il était très fort dans le combat et lorsqu'il se repliait, il se mettait derrière lui. Lorsque les gens de son peuple se repliaient et reprenaient leur position, il se mettait derrière lui tellement il était yani, fort parmi eux. Usama ibn Zayd radiallahu anhu s'est avancé. Lui et son compagnon. Lorsqu'il s'est apprêté à le toucher de son épée, l'homme a dit « La ilaha illallah ». Qu'est-ce qu'il a fait ?« Aslam ». Naam, il a prononcé « Kalimat al-Tawhid », il s'est converti. « Fa'amsaka al-Ansari ». Le Ansari a retenu son épée. « Wa darabahu Usama ». Quant à Usama, lui, il l'a touché de son épée. Famat, il est décédé. Ou plutôt birumh, ta'anahu, naam, avec une lance. Naam, avec une lance, il l'assassine. Lorsqu'ils sont revenus à Médine, le Ansari a raconté cela au prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi Usama, c'est comme si il a médité sur la situation et ça a suscité un doute quant à son agissement. Alors il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu as fait au Usama? Il lui a raconté. Il y a plusieurs versions. Puis il lui a dit, aqataltahu. Est-ce que tu l'as tué ba'da an qala la ilaha illallah? Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Alors Usama a dit, qalaha muta'awidhan ya Rasulallah. Il a dit ça pour se protéger de mon épée au messager d'Allah. Il a fait ça pour se protéger au messager d'Allah. Dans notre version, taqiyatan, ainsi de suite. Makhafadan min as-silah, de peur de l'arme, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répété, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Et Usama ibn Zayd, ya Rasulallah, il a dit ça que pour se protéger des armes. Le prophète sallam faisait que lui répéter. Est-ce que tu l'as tué après qu'il eût dit la ilaha illallah? Afala shaqaqta an qalbihi? Est-ce que tu as ouvert sa poitrine pour voir s'il est véridique ou pas? Wa ma la tasna' bi la ilaha illallah in ja'at yawm al-qiyamah? Dans une autre version, on nous dit qu'il a dit la ilaha illallah et aussi Allahu Akbar. Que feras-tu si elle vient yawm al-qiyamah, c'est-à-dire Allahu Akbar ou bien la ilaha illallah? Et Usama essaie de répondre. Yani, Usama a fait un effort de réflexion sans aucun doute. Ijtahad. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ici l'a corrigé, l'a blâmé et il l'a repris. Tel le père reprend son enfant lorsqu'il se trompe, alors qu'il a voulu le bien. Mais les sahaba radiallahu anhum, malgré qu'Allah azza wa jal a grandement élevé leur rang, malgré qu'il a fait leurs éloges dans le Coran, qu'il a annoncé son agrément pour eux, et qu'il a même fait leurs éloges avant leur venue au monde dans les livres passés, dans Torah, dans l'Injil, malgré ça, ils ne sont pas infaillibles, ils ne sont pas ma'soumoum. Personne n'est infaillible après le prophète alayhi salatu wassalam. Personne n'est infaillible après le prophète alayhi salatu wassalam. Mais si la chose qu'il fait en conformité avec sa sunna, alors on dit qu'il a bon. Et si ça n'est pas en conformité, na'am, et que le Coran et la sunna yani, rejettent cette action, même si c'est un effort d'interprétation, de réflexion, na'am, à ce moment-là, on dit que c'est un effort, mais que ça n'est pas conforme. Tout en maintenant le rang des compagnons. Les compagnons ne sont cités qu'en bien. On ne les cite qu'en bien. On ne fait que leurs éloges. On les aime avec notre cœur. On n'a aucune mauvaise pensée ni opinion à leur égard. Et avec notre langue, on invoque Allah en leur faveur. Nataradda anhum. Et on fait leurs éloges. Tous, autant qu'ils sont. Que ce soit les gens de la famille du prophète, alayhi wa sallam, à Al-Bayt. Que ce soit les autres. Na'am. Que soient les hommes, que soient les femmes, les grands, les petits, ceux de Mecca et les autres, ceux qui sont venus d'en dehors de la péninsule et ceux qui sont de l'intérieur, wa hakadha. Ça, c'est la voix de Ahlis Sunnah, radiallahu anhum. Au final, Oussama radiallahu anhu a regretté énormément son action. Il n'a pas débattu dans le faux, non. Il a reconnu son action, il l'a corrigée et il a regretté énormément. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « An-nadamu tawbah ». Le regret, c'est un repentir. « Wa ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lahu ». Et celui qui se repent, c'est comme s'il n'avait pas péché. C'est comme s'il n'avait pas péché. Oussama a tellement regretté qu'il a dit « J'ai tellement regretté que je n'aurais aimé m'être converti que ce jour-là. » Pourquoi ? Parce que l'islam, ça efface ce qui est passé. Parce que l'islam, ça efface ce qui est passé. Donc ici, on voit la gravité de cette action. Et une faïda très importante que les savants citent. Al-hukm al-zahir. En islam, le jugement, il est sur l'apparence. Il n'est pas sûr, je pense que dans son cœur, s'il a fait ça, c'est que son intention est... Non. La règle dit, lana al-zahir wallahu yatawalla al-sara'ir. Nous, on a ce qui est apparent. Et c'est Allah qui connaît le contenu des cœurs. Et Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, disait... À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il se passait des choses, Allah faisait descendre la révélation. N'est-ce pas? Mais après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a plus la révélation. Celui qui vient et qui nous montre le bien, on accepte de lui. Hakala, c'est sur l'apparence. C'est sur l'apparence. Celui qui vient, il nous montre le bien, on accepte de lui. Et on a nuhsina dhannabi. Quant à celui qui vient avec le mal, on pense du mal de lui. On pense du mal de lui. Tout ça pour dire que le jugement, il est sur l'apparence. Et on ne doit pas fouiller dans le cœur des gens. Si la personne, elle vient, elle aspire à l'islam, on ne dit pas, non, mais peut-être que c'est un hypocrite, peut-être kada, peut-être kada. Non. Ou bien elle dit ça, on dit, non, mais peut-être qu'il voulait dire, peut-être... Non, on prend la parole. On prend la parole. Et celui qui fait une faute à l'inverse, on corrige sa faute. Et il ne dit pas, non, mais je voulais dire. Il dit, oui, j'ai dit ça, je me suis trompé. Directement. Ensuite, il peut expliquer. Ensuite, il peut expliquer. Peut-être que sa langue a fourché. Peut-être qu'il s'est mal exprimé. Quant à la faute, il la reconnaît, il la corrige. Il ne faut pas polémiquer dans le faux. Iyadan billah. Un compagnon a même demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est al-Miqdad ibn Amr al-Kindi. Il dit, ya Rasulallah, أرأيت إن قتلت رجلا فقتل يعني مسلمين هذا الرجل في الحرب قتل مسلمين وجئت لأقتله فقطع يده ثم لما أردت أن أقتله قال لا إله إلا الله أو أسلمت أقتله قال لا لا تقتله المقداد بن عمرو أديو مساجد الله. Ne vois-tu pas si lors d'un combat, un homme tue des musulmans, puis lorsque je m'apprête à lever mon épée sur lui, il dit là, il est là, ou bien je me convertis. Sachant qu'il m'a coupé une main, est-ce que je peux porter mon épée à ça? Yani le taper de mon épée? Il lui a dit non. Il a dit, ya Rasulallah, il m'a coupé une main. Il lui dit non. Il lui a dit non. Naam. Il lui a dit non. Car si tu fais ça, tu seras à sa place avant sa conversion. Et il sera à la tienne à ce moment. Et il sera à la tienne à ce moment. Ensuite, une autre sariya. C'est la sariya de Ghalib. Mais cette fois-ci, il a le maïfa'a ou bien il a le mi'fa'a. Elle a eu lieu durant Ramadan. En l'an 7 après l'Égir. Et il n'y a pas de chaîne de transmission authentique. Puis la Sariya de Bachir ibn Sa'd, c'est le père de An-Nu'man ibn Bachir. Sa'id ibn Sa'd, Bachir ibn Sa'd. Naam, c'est le père de An-Nu'man ibn Bachir. On entend ce sahabi des fois. Ben, son père, c'est ce dernier-là. Bachir ibn Sa'd, radiallahu عنهما. Là, on voyait dans un endroit qu'on appelle Yumn, en l'an 7, dans le mois de Shawwal. À la kulli hal. On va écourcir vu qu'il n'y a pas de chaîne de transmission authentique. Et on va passer au chapitre suivant qui est Umratul Qadha. Umratul Al-Qadha. Notez qu'elle a eu lieu fi sanati sabi'a. Fi shahri dhil qadha. Fi sanati sabi'a. Fi shahri dhil qi'da. Ou il qa'da. Elle a eu lieu en l'an 7 dans le mois de Dhul Qi'da. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara as-sahabata an yatajahhazu lil-umrah wa an la yatakhallafa ahad shahida al-hudaybiyya. C'est compris, il a ordonné aux sahaba de se préparer pour l'umrah et particulièrement à tous ceux qui avaient été présents lors de sulh al-hudaybiyya. Na'am. Donc tous ont participé sauf ceux qui par exemple étaient décédés ou bien n'avaient pas la capacité. Les savants disent qu'ils étaient environ 2000. Ils étaient environ 2000, sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient environ 2000, sans compter les femmes et les enfants, comme a cité le Hakim rahimahullah ta'ala. Notez que cette Umrah a plusieurs noms. On l'appelle Umratul Qadha. Deuxièmement, on l'appelle Umratul Qadhiya. Quant à l'explication de ces deux termes, ça fait référence à Al-Muqadha. Ça fait référence au pacte Al-Muqadha qu'il y a eu entre Quraysh et le prophète alayhi salatu wa salam lors de Sulh al-Hudaybiyya. Est-ce que vous vous souvenez une des conditions concernant l'Umrah? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Non, tu ne fais pas l'Umrah cette année, mais l'année prochaine. Ça? Donc, suite à ce pacte, ils sont revenus faire l'Umrah. C'est pour ça qu'on l'appelle Umratul Qadha et Umratul Qadhiya. La Umra sur laquelle ils se sont entendus. La Umra sur laquelle ils se sont entendus dans le pacte. Dans le traité. On l'appelle aussi Umra tu Sulh. Parce que elle a été énoncée lors de Sulh al-Hudaybiyya. Et on l'appelle aussi Umra tu al-Qisas. On l'appelle aussi Umra tu al-Qisas. Parce que l'année passée, à Dhul Qi'da, ils ont empêché le prophète, alayhi salatu wassalam, de faire Al-Umrah, et il a pu la faire l'année suivante. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, et d'autres, disaient que le verset, Wal-Hurumatu Qisas, a été révélé à ce sujet. A été révélé à ce sujet. Ils sont sortis avec leurs armes. Ils sont sortis avec leurs armes. Et vous savez qu'au haram, on n'a pas le droit de rentrer avec les armes. Naam. Alors en chemin, arrivé à un endroit, il y a une vallée qui s'appelle Ya'jij, ils ont caché leurs armes. Et ils n'ont pris avec eux que ce qu'on appelle silah rakib, l'arme du cavalier. Yani que l'épée dans son fourreau, wa hakada. Yani le minimum. Ils ont pris avec eux que le minimum. Car Quraysh sont à même de trahir le pacte et d'agresser les sahaba radiallahu anhum ou bien le prophète alayhi salatu wassalam. Et cette condition avait été mise par Quraysh de ne pas rentrer avec les armes sauf silah al-raqib. Naam. C'est aussi pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas venus en tant que conquérants chez nous à Mecca. Mais ils sont venus en paix juste pour faire la Umrah et ils repartent. Naam. Ils faisaient beaucoup attention à leur image dans la péninsule arabique. Dans la péninsule arabique. En chemin, Abdullah ibn Rawaha, marchait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il prononçait des vers de poésie. Et il prononçait des vers de poésie. Il disait « Khallu banil kuffari an sabili, al-yawma nadribukum ala tanzili, darban yazilul hama an maqili, wa yudhilul khalila an khalili. » L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a apporté ces mots, et il y a plusieurs chaînes de transmission, plutôt il y a plusieurs riwayas, il y a plusieurs variantes ou versions, et certains ont même dit que c'est autre que Abdullah ibn Rawaha qui prononçait des vers de poésie. Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit « Ya ibn Rawaha, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans le territoire sacré de la Mecque, tu prononces ces vers. » Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Laisse-le au Omar. Falahiyya ashaddu fihim min waq'in nabl. Laisse-le au Omar. Car l'effet de ces poèmes sont plus forts sur eux que l'effet des flèches ou bien des flèches reçues. » Durant cette Umrah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi le désagrément des sceaux parmi les jeunes de Quraysh. Quraysh avait envoyé leurs enfants et les jeunes nuire au prophète alayhi salatu wa sallam dans cette Umrah. Alors, comme ça a été mentionné dans le recueil d'Imam al-Bukhari, il protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur nuisance, il le cachait de leur nuisance. Dans le recueil d'Al-Bukhari et Muslim, lorsqu'ils sont arrivés, avant qu'ils arrivent au haram, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum a nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons sont arrivés à Mecca et la fièvre de Médine les avait affectés. La fièvre de Médine les avait affectés. Et les associateurs ont dit « Yaqdumu alaykum radan » قوم قد وهنتهم الحمى. Les gens de Quraysh ont dit demain viendront à vous des gens, parlons associateurs, qui ont été affaiblis et détruits par la fièvre de Médine. Naam, ils les méprisaient, les rabaissaient, ils se moquaient comme à leur habitude. Alors, lorsque les musulmans sont rentrés et eux étaient à une position stratégique pour pouvoir les observer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré al-quwwa 'inda al-muslimi. Il leur a dit de montrer la force qu'il y a chez les musulmans. Et il leur a dit durant les trois premiers tours, irmalou. Naam. Durant les trois premiers tours, il leur a dit de mettre en pratique al-ramal. Al-ramal, c'est quoi? C'est l'isra' fil mashi ma'a taqarub al-khuta. C'est le fait de marcher vite en rapprochant les pas. Ce n'est pas le fait de courir, ni le fait de simplement marcher, mais entre les deux. Tu marches vite en accélérant le pas, mais en faisant des petits pas. Et il leur a dit de faire cela pendant les trois premiers tours. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est une sunna pour celui qui fait l'umra, pour celui qui fait le hajj. C'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il leur a dit aussi? Ittabi'u. Découvrez votre épaule droite. Donc, ils ont fait passer le vêtement. Ils étaient en état d'ihram, bien sûr. Ils ont fait passer le vêtement sous l'aisselle droite et ils ont découvert l'épaule et le biceps droit. Naam, pour montrer la virilité des al-muslimin et que la fièvre ne saurait les avilir d'accomplir cette grande ibad qu'ils ont tant attendue. Et vous vous souvenez, lorsqu'ils ont été empêchés de faire l'umra, la tristesse que ça a mis dans le cœur des musulmans. Au point lorsque le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit coupez, sacrifiez les bêtes, rasez-vous la tête, ils n'ont pas bougé. Naam, ils n'ont pas bougé. Et lorsqu'ils se sont rasés la tête au final, après le conseil de l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit, ils ont failli s'assassiner les uns les autres quand ils se rasaient la tête, mutuellement, tellement ils étaient attristés. Donc imaginez la scène, subhanallah, un an après, ils reviennent à Mecca. Ils font telbiya. Ils élèvent la voix avec telbiya. Ils découvrent leur épaule droite. Et il commence par la pierre noire. Yukabbirun, le prophète sallam fait takbir, ils font takbir. Chacun fait son propre takbir, pas en groupe. Puis ils commencent à tourner et ils accélèrent le pas. Kuffar Quraysh était en face d'eux. Ils étaient fatigués, un long voyage, ça. Certains étaient malades. Mais ils n'ont montré aucune faiblesse à Kuffar Quraysh. Naam. Ils ont montré la izza de l'islam. Parce que le musulman, quelle que soit sa situation, il est aziz, il est noble chez Allah, il est élevé. Il est élevé. Fi kulli waqt, bi tawhidi, bi sunnati, bi salati, bi ibadati. Il est élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu le vois dans une situation difficile, même si tu vois que son ennemi essaye de l'avilir, sache qu'il est élevé chez Allah. Et il est élevé, chez les anges d'Allah azza wa jal. Et chez les gens pieux parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils arrivaient à l'opposé des associateurs derrière le Kaaba et qu'ils n'étaient pas vus, ils se reposaient un peu, ils reprenaient des forces. Naam, ils se reposaient un peu, ils reprenaient des forces. Après le troisième tour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de marcher normalement. Pourquoi ? Pour qu'ils gardent des forces, pour pas qu'ils ne soient anéantis. Quand les associateurs ont vu cette scène, ils ont dit au mushrik qui avait dit « Demain, vous viendront des gens affaiblis par la fièvre de Yathrib, Mohammed et ses compagnons. » Ils ont dit « Mohammed et ses compagnons ne sont pas affaiblis par la fièvre de Yathrib, mais ils sont plutôt forts comme ceci et cela. » Ainsi Allah Azza wa Jal les a élevés. Et c'est ainsi que doit être le musulman. Lorsqu'il s'avance dans une ibadah, il s'avance avec quwwa. Il s'avance avec mahabba, avec amour de cette adoration pour Allah Azza wa Jal. Il s'avance avec raja, avec l'espoir en Allah Azza wa Jal de voir la récompense. Il s'avance avec khawf, avec peur de voir son adoration rejetée. Naam, il s'avance avec peur de voir qu'il n'est pas digne d'être accepté chez Allah parce qu'il a beaucoup de péchés. Il s'avance chez Allah toujours comme ça avec ces trois piliers de l'adoration. Al-mahabba, al-raja ou al-khawf. Ces trois qualités, le musulman, il ne s'en sépare pas, quelle que soit l'adoration. Quelle que soit l'adoration. Ils ont fini le tawaf, ensuite ils ont fait sa'i jusqu'à la fin. Naam, comme il y en a certaines parties sont rapportées dans Bukhari Muslim, d'autres dans Muslim, d'autres dans d'autres livres. Parmi les conditions qui avaient été énoncées, il y avait qu'il ne devait pas rester longtemps, il y allait environ 3 jours. Et lorsque Quraysh le décidera, ils devront partir, n'est-ce pas? Après 3 jours, donc, ils ont fini leur Umrah. Par la suite, Quraysh sont partis voir Ali ibn Abi Talib. Ils sont partis voir Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et ils lui ont dit, قل لصاحبك dis à ton compagnon اخرج عنا فقد مضى الاجل sors d'ici éloigne-toi de nous car la limite a été dépassée. Yani ce sur quoi nous sommes entendus a été complété, vous devez donc partir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait épouser une de ses épouses. Laquelle? Après Umratul Qada, le prophète alayhi salatu wasallam a épousé qui? Maymouna. Naam. Maymouna radiallahu anha. Maymouna tubint al-Harith. Maymouna tubint al-Harith. Comme il a épousé une femme de chez elle, il fut dit qu'il leur a demandé Naam, de lui laisser un délai afin qu'il puisse yani faire son mariage avec Maymouna radiallahu anha, mais ils ont refusé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc levé le camp, il a dit aux compagnons de se réunir pour partir. Et en chemin, le prophète alayhi salatu wa sallam s'est arrêté à un endroit qu'on appelle Sarif. Et c'est là qu'il a qu'il a passé un moment avec Maïmouna. C'est là qu'il a passé un moment avec son épouse et a consommé le mariage. Yani ala sabiha radiyallahu anha. Et min al muwafaqat al azima wa min qudrati Allah tabaraka wa ta'ala wa azimi qadari. Et parmi les grands points du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses étonnantes. Na'am, les grands points de l'histoire et les choses étonnantes qu'Allah a décrété, c'est que où est-ce que Maïmouna a eu son moment de noces? À un endroit qu'on appelle Sarif. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est décédée? Wa ayna tufiyat Maïmouna radiallahu anha? Tufiyat bi Sarif. Subhanallah, elle est décédée exactement au même endroit dans lequel où elle a eu son moment de noces avec le prophète alayhi salatu wa salam. Une histoire très touchante. Qissatu Umara. Qui est Umara? Naam. Umara tu bint Hamza radiallahu anha. La fille du meilleur martyr de l'islam. La fille de l'oncle, du meilleur oncle du prophète alayhi salatu wa salam. Had al-Asad. Ash-Shuja'a. Al-Nasir lillahi wa li rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a secouru la religion d'Allah, celui qui a secouru le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à mourir martyr lors de la bataille de Uhud radiallahu an. Imam al-Bukhari a cité cette histoire et d'autres. Lorsqu'ils sont sortis de Mecca après avoir accompli la Umrah, comme ce fut mentionné dans le traité, une petite fille les a suivis. Qui est cette petite fille? Umara bint Hamza. C'est la fille de Hamza radiallahu anha. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ya am. Oh mon oncle. Qu'est-ce qu'elle appelait? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui pour elle? C'est son oncle? Vous dites oui? C'est la fille de Hamza. Donc c'est qui pour elle? C'est sa cousine. Naam. C'est Huwa ibn Ammiha. C'est le fils de son oncle. Mais elle l'appelait Ya'am. Ya'am, oh mon oncle. Alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est arrêté. Qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle était chez Quraysh. Imaginez la scène, subhanallah. Ils repartent, ils ont fait la Umrah. Et j'ai oublié de préciser une chose, parmi les conditions du traité, il y avait que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il viendra pour faire la Umrah, il ne doit emporter avec lui aucun sahabi. Aucun sahabi. Par contre, s'il y a un sahabi qui veut rester à Mecca, il ne devra pas l'en empêcher. Là, il y a cette petite fille qui est la fille de Hamza, radiallahu anhuma. Son oncle, et elle vient, elle dit Ya'am, oh mon oncle. Na'am, emporte-moi avec toi. Allahu Akbar. Na'am. Et elle l'appelait Ya'am, il y a plusieurs raisons. Parmi les raisons, Hamza et le prophète alayhi salatu wassalam sont des frères de lait, vous vous souvenez? Na'am, ce sont des frères de lait. Ça, c'est une raison. Que s'est-il passé? Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il l'a vu, il l'a pris. Naam. Et il l'a donné à Fatima. Et il lui a dit, la fille de ton oncle. Naam. La fille de ton oncle. Et Ali, c'est moi qui la prends. Ali ibn Abi Talib, il a dit, elle est à moi, c'est moi qui serai son responsable. Que s'est-il passé? Zayd ibn al-Haritha. Zayd radiallahu anhu est venu. Il s'est disputé avec Ali. Il a dit, non, c'est moi qui la prends. Yabnatu akhi. Il a dit, c'est la fille de mon frère. Que s'est-il passé à nouveau? Ja'far ibn Abi Talib est venu. Il s'est disputé avec eux deux. Et il lui a dit, non, c'est moi qui vais la prendre. Et les trois, ils se sont disputés, la fille de Hamza radiallahu anha. Allahu Akbar. Un sahabi noble comme Hamza, il décède. Et c'est comme Allah Azza wa Jal nous l'a garanti dans le Coran. Celui qui a peur de décéder et de laisser ses enfants, falyattaqillah. Qu'il craigne Allah. Et Allah Azza wa Jal va décréter des gens qui vont préserver sa descendance, wallah. Comme c'est arrivé dans la qissa de Moussa avec El Khadir. Naam. Et leurs parents étaient des gens pieux. Allah Azza wa Jalla a envoyé un prophète pour maintenir un mur car il y avait un trésor d'orphelin en dessous. Allahu Akbar. Naam. Donc celui qui veut qu'Allah préserve sa descendance, qu'il craigne Allah. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait à Hamza. Il lui envoie trois parmi les meilleurs des hommes sur la terre qui se disputent la garde de sa fille. Allahu Akbar. Donc Zayd a dit, Yabnatu Ahi. Pourquoi est-ce que Zayd a dit c'est la fille de mon frère? Est-ce que Zayd c'est le frère à Hamza? Limada qala Zayd Yabnatu Ahi. Yani chacun a argumenté. Zayd, son argumentation c'est quoi? Son argument c'est quoi? Yabnatu Ahi, c'est la fille de mon frère. Pourquoi? Qui répond à ça? Les deux autres aussi, c'est, leur frère, c'est son frère dans la religion. C'est une question un peu difficile. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est arrivé à Médine, une des premières choses qu'il a fait, il a rendu frère, n'est-ce pas, des gens? Ben, il a dit à Hamza, Zayd, c'est ton frère. Vous vous souvenez? Yani, le prophète salam arrive à Médine, akha bayna al-muhadirin wal-ansar, wa bayna, yani, rijal min. Ben, Hamza, son binôme, c'était qui dans la fraternité? C'était Zayd. C'était Zayd. Donc Zayd a dit, c'est mon frère. Ensuite, Ali, radiallahu an, a dit, c'est la fille de mon oncle. C'est la fille de mon oncle. Et là, Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu an, a dit, c'est la fille de mon oncle. Ja'far, c'est le frère d'Ali ibn Abi Talib. Il a dit, c'est la fille de mon oncle. Et mon épouse, c'est sa tante. Naam. Et je suis marié avec la sœur de sa mère. Est-ce que vous avez compris? Je suis son cousin donc. Il rejoint qui à ce stade-là? Ali ibn Abi Talib. Puis il a ajouté quoi? Je suis marié avec la sœur de sa mère. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a jugé entre eux. Et il l'a donné à Ja'far. Naam. Il l'a donné en réalité à Asma bint Umays, à l'épouse de Ja'far. Pourquoi? Il a dit El khala bimanzilatil La tante, la sœur de la mère, a la même place que la mère. Allahu Akbar. Et là, il y a une grande leçon, comme a dit Cheikh Abdelrazzaq dans l'explication du livre Al-Fusul ibn Kathir. Il a dit, c'est là, dans le chapitre de l'Bir wa Sila, dans le chapitre des liens de parenté, il y a une grande science. C'est que la tante, il faut la chérir comme la mère. Elle a la place de la mère. Naam. Il faut la considérer comme la mère. Et là, ça me rappelle un hadith, subhanallah. Lorsqu'un homme a fait des péchés qu'il a vus graves, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, ya Rasulallah, j'ai commis telle chose et telle chose. Est-ce que je peux me repentir? Le prophète, alayhi salatu wassalam, qala lahu, awalaka il lui a dit, est-ce que ta mère est vivante? Faqala la, cet homme lui a répondu non. Ensuite, il a dit, awalaka khala. Est-ce que ta tante, la sœur de ta mère, est vivante? Il lui a dit oui. Il lui a dit Fabirraha. Il lui a dit alors sois bienfaisant envers elle. Pour dire que le fait de faire du bien à celui qui a sa mère vivante, ça fait partie des plus grandes causes pour qu'Allah lui efface les péchés. Et pareillement pour la sœur de la mère. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par son excellent comportement et le fait qu'il souhaitait blesser personne, il leur a dit à chacune une belle parole pour les tranquilliser dans leur cœur après avoir jugé la fille de Hamza, et après l'avoir, yani après avoir jugé qu'elle sera Mada auprès de Ja'far, car son épouse est Asma bint Umays, qui est la sœur Mada de Salma bint Umays, qui est l'épouse de Hamza. Naam. Il a dit à chacun une belle parole. Il a dit à Ali ibn Abi Talib, Ana minka wa anta minni. Je fais partie de toi et tu fais partie de moi. Il a dit à Zayd, Anta akhuna wa maulana. Tu es notre frère. Naam. Tu es notre frère. Et Zayd, c'était son ancien servant. Aussi, il a dit à Ja'far ibn Abi Talib, il lui a dit une kalima azima, wallah. Une éloge azima jiddan. Il lui a dit, wa anta ya Ja'far, ashbahta khalqi wa khuluqi. Allahu akbar. Il lui a dit, quant à toi, au Ja'far, qui est son cousin, il lui a dit, toi, tu me ressembles dans mon apparence, et tu me ressembles dans mon comportement. C'est-à-dire qu'il a fait ses éloges extérieurement sur la, comment Allah l'a créé. Il a la même beauté, il ressemble au prophète alayhi wa sallam, on va dire plutôt. Et il lui ressemble dans son comportement. Et ça, c'est une thèse qui est azima. Ça, c'est une éloge qui vaut tout l'or du monde et plus encore. Hakada barakallahu fikum. Naam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de ses compagnons et il a grandement élevé le rang de Ja'far ibn Abi Talib. Et Ja'far ibn Abi Talib fait partie des plus nobles chez les compagnons. Il a reçu d'énormes éloges de la part du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. À un point tel que lorsqu'il y a eu l'ouverture de Khaybar et que les gens de Mada de l'Habasha sont arrivés, et à leur tête, Ja'far ibn Abi Talib, le prophète sallam a dit, je ne sais pas si je dois plus me réjouir de l'ouverture de Khaybar ou bien du retour de Ja'far. Et il l'a embrassé. Naam. Et on verra, inshallah ta'ala, dans le prochain cours, ou dans celui qui suivra, lors de Razwat Mu'ta, yani la place qu'a eu Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu an. Ici, on voit donc la place de l'attente. Il y a une divergence chez les savants. Qui est le plus proche parent? Est-ce que c'est l'attente paternelle, l'amma, ou bien est-ce que c'est le khala? C'est l'attente maternelle. Certains savants ont utilisé ce hadith pour dire que l'attente maternelle passe avant. Pourquoi? Parce que la sœur de Hamza, qui est-ce? Safiya, radiallahu anha, elle était vivante. Pourtant, le prophète sallam ne lui a pas donné Omara. Mais elle l'a donné à Asma bint Umays, du côté de la mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est donc arrêté à Sarif et il a fait son moment de noces avec son épouse Maymouna radiallahu anha. Maymouna, c'est la tante de qui? Donc, طيب, on n'en a pas encore parlé, on en parle de suite. Maymouna radiallahu anha, hiya ammatu ibn Abbas. Maymouna, c'est la tante paternelle de Mada. Plutôt, c'est la khala, c'est la tante maternelle d'Ibn Abbas. Maymouna, khalatu ibn Abbas. C'est la sœur de la mère d'Ibn Abbas. Est-ce que c'est compris? Qui est la mère d'Ibn Abbas maintenant? Qui est l'épouse de l'Abbas? C'est Umm al-Fadl. Naam. Comment s'appelle le frère de Abdullah ibn Abbas? Al-Fadl ibn Abbas. Donc la kunya de l'Abbas, l'oncle du prophète alayhi salatu salam, c'est Umm al-Fadl. La mère d'Ibn Abbas, sa kunya est Umm al-Fadl. Maymouna, c'est sa sœur. Maymouna est sa sœur. Donc l'Abbas a épousé Umm al-Fadl. C'est pour cela que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a voulu épouser Maymouna, elle est partie voir sa sœur Umm al-Fadl. Elle a rapporté son affaire à elle et c'est l'Abbas qui a géré. Et c'est l'Abbas qui a géré. C'est aussi, donc, il y a Umm al-Fadl. Il y a Maymouna. Umm al-Fadl, c'est l'épouse de, suivez bien, Al-Abbas. Maymouna a été épousée par la suite par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi leurs sœurs, Asma bint Umays, qui est l'épouse de, on a dit, Ja'far. Qui est l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib. Quand Ja'far ibn Abi Talib est décédé dans Ghazwat Mu'ta, Abu Bakr radiallahu anhu l'a épousée. Elle fut aussi l'épouse donc de Abu Bakr. Quand Abu Bakr est décédé, Ali ibn Abi Talib l'a épousée. Ali ibn Abi Talib l'a épousée. Vous suivez toujours ou pas? Umm al-Fadl, c'est l'épouse de Al-Abbas. Maymouna, qui est sa sœur, c'est l'épouse de du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asma bint Umays, qui est leur sœur, c'est l'épouse de Ja'far ibn Abi Talib. Lorsqu'il est décédé, c'est qui l'épousa? Abu Bakr. Naam. Et lorsqu'Abu Bakr est décédé, Ali, radiallahu anhu. Tayyib. Il y a aussi Salma bint Umays. C'est l'épouse de qui? Hamza. C'est l'épouse de Hamza. Toutes ces filles-là sont des sœurs. Certaines ont la même mère. Certaines ont la même mère. Et d'autres, la même mère et le même père. D'autres, la même mère et le même père. Il y a aussi Salama bint Umays. Il y a aussi Salama bint Umays. Tayyib. Vous avez suivi. Pourquoi est-ce que je vous ai dit tout ça? Il y a des savants qui ont dit la maman la plus noble par al-Musahara, c'est-à-dire les liens de, comment est-ce qu'on dit en français, les liens de parenté suite au mariage. Vous avez compris? Yani, si toi tu épouses une femme, tu deviens le beau-fils de sa mère. C'est comme ça qu'on dit? Naam, tu es son beau-fils, n'est-ce pas? Ils ont dit la femme la plus noble dans ses beaux-fils, c'est leur mère. Pourquoi? C'est la seule au monde qui a eu comme beau-fils le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr al-Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib. Et d'autres encore. Ils ont dit Akramu Nisa bil Musahara, c'est Hind bint Auf. Elle s'appelle comment leur mère? Elle s'appelle Hind bint Auf. C'est celle qu'Allah a le plus comblée par les liens de mariage de ses filles au monde. Naam. Par les liens de mariage de ses filles au monde. Une dernière mas'ala. C'est est-ce que le prophète alayhi salat wa salam a épousé Maymouna alors qu'il est en état d'ihram ou pas? Il y a un hadith qui est authentique. Abdullah ibn Abbas dit tazawwajaha wa huwa muhrim. Il l'a épousé alors qu'il est en état d'ihram. Alors qu'on a des hadiths authentiques qui nous disent que celui qui est en état d'ihram, il n'a pas le droit de se marier, il n'a pas le droit de demander une femme en mariage, il n'a pas le droit à ça, il n'a pas le droit à ça. Naam. Mais Maymouna, radiallahu anha, elle-même l'a mariée, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a épousée et eux deux étaient halal. Ils n'étaient pas en état d'ihram. Ils n'étaient pas en état d'ihram. Naam. Donc les savants ont dit Wahima ibn Abbas. Ibn Abbas, il s'est trompé, tout simplement. Radiallahu an. Il a pensé qu'il était en état d'ihram. D'autres personnes ont cité notre explication en disant Wa muhrim, c'est-à-dire dans Shahrullah al-Haram, parce que c'était Zulqi'dah. Naam. Dans le mois sacré. Parce qu'on dit Ahrama pour dire il s'est mis en état d'ihram, mais aussi pour dire qu'il est entré dans un mois sacré. Quoi qu'il en soit, on retient qu'il s'est marié avec Maymouna et il n'était pas en état d'ihram. Il n'était pas en état d'ihram. Et Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on étudiera les événements qui se sont produits entre la Umra de Al-Qadha et Ghazwatu Mu'ta. Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahumma wa barak ala nabina Muhammadin. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه le prophète alayhi salatu wassalam, plusieurs de ses enfants qu'il a eus, il a annoncé la bonne nouvelle aux compagnons. Donc je vous annonce la bonne nouvelle par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahhab, le grand donateur. Allah Azza wa Jal m'a fait don d'une fille, Madha, avant-hier. Et elle n'a pas encore de prénom, mais probablement suite à cette histoire qu'elle s'appellera Maïmouna, Inch'Allah Ta'ala. Et c'est également le prénom de ma tante, la sœur à ma mère. Elle sera très contente. Wa rahmatullahi ala mawtana wa mawtal muslimin. أسأل الله سبحانه وتعالى هو الغفار أرحم الراحمين أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا والمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وللأحياء منا والأموات وصلى اللهم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله